68. L'amour est plus fort que les deux tons du viaduc. Écoute, il n'a jamais vu sa brise à l'invisible. Ça ne s'arrêtera pas, c'est laissé à perpétuité. Yeah, yeah, yeah, Nathalie. Yeah, yeah, yeah, yeah, la bellissima. So que zara ki angola natali, talinga ki buyo kuma millionaire, ona ki kala sena yo, mama kuni elia, ona ki kala sena yo. Na zamboka yonde zala kabal fonsele, na ngamonele. Na zamboka yonde zala kabinele, na ngamonele. Sendo na minha pêcheur de l'eau, moni soukane vraiment. Tango netalias avec le tambola au bord de la mer. Sokimpe fleuve, soupe rivière, au bord du lac. Zambé, tango sali beauté. Ah, qui n'a besoin d'ambassadeur, n'a pas ambassadeur ici à beauté. Aïe, qu'on soit le concept comme Nathalie. Ma mise univers va bouler en Beauté à Nathalie, ralenti la vitesse. Y'a ma jalouse. Beauté à Nathalie, faire perdre son froid. Naba à peu près. Nathalie, moi si à ma soirée de galaïe. La ligne tangue mon Nathalie, et toi qui m'en voilie, ce qui me paie son mali, la lilie est si l'inalanzo tout mon bonheur. Nathalie, la lana est sommée, c'est ma célébrité. Attends la minuit, n'a zéro malili, bunga la boaki, Nathalie azale, oyanga taïti. Liwa yango moko emonike etikelanga tamba nasavoye libunza Natali sourire na ye bakaresa na ye liwa merci. Mawa yango lelo ekatisinga likasa tango Natali boti ya Natali ata alali na divando soli. Okokanisa ke esi ya sukuli ukauti na ye itali mboka malele na ivere molili Natali, Natali, Natali.